Voici votre bulletin régional. Première clinique impôt, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, à Courchir, le 5 mars, de 9h à midi, au Centre d'action bénévole 57 Craig Nord, au local du journal. Critères d'admissibilité, une personne seule 25 000 $, un couple 30 000 $ et 2 000 $ pour chaque enfant à charge, un adulte avec enfant 30 000 $ et chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $. Maximum de 1 000 $ d'intérêt. Aucun revenu de location de travailleurs autonomes ne sera accepté. La table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous invite à un déjeuner-rencontre le 5 mars dès 8h30 au restaurant Le Sailleux, 98 rue Courchir, Sailleuxville. Le thème de la rencontre est « En vieillissant, tout le monde veut votre bien. Mais quel bien? Gérer, utiliser ou donner ses biens? » Le 7 mars à 20h, au Centre culturel de Whedon, on pourra voir le quartet Mandolin Man, qui joue des airs traditionnels flamands d'une interprétation moderne.